ça fait mal. Mais on n'a pas gagné non plus au loto. C'est pour bientôt, tu dis vouloir m'offrir la vie de château. Mais t'en fais trop, moi je ne bougerai pas un petit doigt. Soleil de l'azur du ciel, le peu partout. Et si le soleil